Bonjour chers amis de la langue française, eh bien oui, c'est Entrepod sur FrenchPod, Entrepod, votre émission préférée. Donc aujourd'hui, nous allons rejoindre l'enthousiaste Romain pour le deuxième volet de cette émission sur la Bourgogne. Alors Romain, il va poursuivre son exposé sur sa chère et tendre région en commençant par les spécialités gastronomiques régionales. Alors on va parler de moutarde, d'escargot de Bourgogne, de bœuf bourguignon, mais aussi de fromage et de pain d'épices. Ensuite, je lui ai demandé s'il pouvait nous parler un peu plus des attraits touristiques de sa région ou de sa ville. Donc il va nous parler de Dijon, de ses bâtiments, de ce qu'il y a à voir et aussi de ce qu'il y a à voir aux alentours de la ville dont il est originaire. Voilà, bon, maintenant j'ai assez parlé, on le retrouve, c'est parti. Et sinon, donc au niveau de la gastronomie, quels sont les plats les plus connus ou... Si tu aimes la viande, ouais. Ben je te conseille d'essayer la moutarde. Ah, d'associer la moutarde de Dijon à ta viande. La moutarde de Dijon est patrimoine de la ville. On a dans la ville de Dijon des magasins spécialisés moutarde. Donc voilà, la marque qui a lancé cette moutarde, ça s'appelle Maille. Et Maille, c'est plusieurs centaines d'années. Hein. Il y a des magasins Maille à Dijon qui ne vendent que de la moutarde. La moutarde est vraiment patrimoine de la ville. C'est vrai que dans toute la France, la moutarde est connue pour être la moutarde de Dijon. Ben, pas que dans toute la France, Amaury. Je me balade à Shanghai, je me balade à Singapour. Tu viens d'où en France? C'est la question qu'on me pose de temps en temps. Quand je dis Dijon, on me fait la moutarde ou on me le sort en anglais, the mustard. Je fais, ben oui, c'est chez moi, la moutarde de Dijon. Donc non, c'est international et c'est parfois une appellation qui est un peu bafouée quand on va dans les magasins et qu'on achète des moutardes qui s'appellent Mustard of Dijon, donc écrit en anglais. Ouais. Finalement, le nom en anglais n'est pas protégé. On se situe dans une situation où on achète de la moutarde sucrée. C'est interdit, la moutarde sucrée. C'est pas de la moutarde de Dijon. C'est pas de la vraie. C'est pas de la vraie. On va dire que c'est un peu l'emblème gastronomique spécialité de la ville de Dijon, mais on a bien d'autres choses. On a les escargots de Bourgogne. Oui, très connus aussi et très bons. Très bons. Donc on est en train de voir, quand on parle d'escargots de Bourgogne, on voit un escargot, mais les escargots de Bourgogne, c'est un plat. Parce que les escargots de Bourgogne, avec la taille qu'ils font, on en trouve aussi en Suisse. On en trouve partout. On en trouve, je suis sûr, à Shanghai. Voilà. Non, c'est un plat qui se compose d'escargots, de jambon, de carottes et de plein d'autres choses. Avec un beurre d'escargot qui est fantastique. C'est vraiment très très bon. Mais bizarrement, très peu de restaurants proposent des escargots de Bourgogne en Bourgogne. Uniquement les grands restaurants. Parce que c'est une recette qui est difficile à cuisiner. Ok, maintenant que tu en parles, c'est vrai que cette recette, de la façon dont tu l'as décrite, je la connaissais pas comme ça. Je connais juste les escargots avec un peu de beurre à l'ail, qui n'ont sûrement rien à voir avec la véritable recette dont tu nous as parlé. Ces escargots-là, tu les trouves chez Pizza Hut à Shanghai. Oui, dans les supermarchés. Voilà, ou dans les supermarchés. Les escargots de Bourgogne ne s'achètent pas tout près dans un supermarché. Et donc tu disais de la viande aussi. Bon, des plats en viande, on parlera du bœuf bourguignon, alors c'est pareil. C'est un plat très connu en France. Ah là, voilà, donc c'est le bœuf bourguignon se fait avec des parties du bœuf qui sont très très tendres. C'est une sauce qui est très foncée, qui se mange avec des carottes et des pommes de terre. C'est une viande qui se mange très très tendre, c'est-à-dire que dans l'assiette, uniquement avec une fourchette, en donnant un petit coup, la viande va se décomposer. Ce qui fait que quand tu manges un bon bœuf bourguignon, d'abord il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'os, et quand tu le manges, la viande elle fond dans ta bouche. Wow. La viande fond dans ta bouche. Parce qu'elle a mijoté, non ? Parce qu'elle a été suffisamment bien préparée déjà à froid. Et ça mijote pendant plusieurs dizaines de minutes dans une cocotte minute. Wow. Voilà, donc c'est très très bon. C'est très très bon. Donc, et voilà. D'autres plats que tu connais des autres plats, quand on parle de la France, on parle également de fromage. Donc on a des fromages, entre autres les poisses. Les poisses qui est aujourd'hui une recette très artisanale qui est fabriquée justement à l'abbaye des poisses. D'accord. Voilà, qui est un fromage très très fort. Peu de personnes l'aiment, moi je l'adore. Le goût et aussi l'odeur. Le goût et l'odeur, ah ouais. Les deux. On a un autre fromage qui est assimilé comme un fromage de Bourgogne, mais qui est finalement une recette et une fabrication de la région d'à côté, la Champagne, ouais. Qui est le Langres, qui est à pâte dure, qui est un petit peu moins fort, qui est fantastique avec du pain et un bon pinard. Voilà. Il est de Bourgogne. De Bourgogne. Il est très bon. Après, il y en a d'autres que je ne connais pas plus que ça, comme le Bria Savarin ou le Charolais. C'est des fromages que j'ai pas l'habitude de manger, mais qui font partie de la région, quoi. D'accord. Voilà. En dehors du fromage, des escargots, de la moutarde, on a également de la charcuterie avec le jambon du Morvan. Ouais. Donc le Morvan, quand je parle du Morvan, c'est la région de Nevers. Ouais. Voilà, c'est la région montagneuse autour de Nevers dans laquelle on a des lacs. Donc il y a également du jambon. Il y a des collines là-bas aussi alors. Ah ben il y a quelques collines, ouais, c'est très vert. D'accord. C'est très vert. Donc il y a également un jambon de Morvan, il y a des andouillettes de clamcy, on a de la charcuterie. Donc là, on était en train de parler de salé. On va aujourd'hui maintenant parler de sucré. Eh ben, Dijon, si tu connais le pain d'épices, ouais. Eh ben, le pain d'épices est originaire de Dijon. Vraiment ? Et oui, voilà. Voilà, donc tu trouves, pas du tout. Tu trouves du super pain d'épices qui colle les doigts, qui est super bon, avec des saveurs, des centaines de saveurs. C'est vraiment fantastique, quoi. C'est vraiment très très bon. C'est une autre spécialité de la ville qui est moins connue, en fait. C'est une autre spécialité de la ville qui n'est pas connue comme étant une spécialité de Dijon. Et pourtant ça l'est. D'accord. Voilà. Donc, le pain d'épices est originaire de Dijon. Tu as l'air tout à fait convaincant, je te crois. Non, c'est tellement bon que je pourrais pas dire le contraire. Et alors dans cette ville à Dijon ou bien dans les autres villes, puisque tu as déjà décrit la Bourgogne, on dirait qu'il y a pas mal de choses à voir dans la campagne, c'est vert, ça va être joli pour les balades. Dans les villes, on va prendre Dijon en premier, quelles seraient les premières choses à voir? D'abord la ville, les rues du centre-ville. On est dans un cadre de petites rues rénovées. Qui date de quand en fait? C'est pittoresque. 15e siècle. Ah ouais. Donc on est dans des rues pavées, avec de plus en plus de rues piétonnes, avec énormément de monuments à voir. Alors quand je parle de monuments, ça peut être des entrées de propriétés privées, mais ça peut être également des cours intérieures. C'est l'hôtel de ville. Oui. Donc la mairie, qui s'appelle en fait le palais des ducs de Bourgogne. Donc voilà, il y avait des ducs en Bourgogne avec un palais et un donjon immense devant une énorme place en arc de cercle où il y a énormément de bars pour aller boire des cafés en terrasse pendant la journée. C'est vraiment très très beau. Oui. Donc c'est un endroit qui se visite. L'hôtel de ville se visite. Et à côté de cet hôtel de ville, eh ben, on a le deuxième musée de France. En termes de richesse des œuvres présentées, et qui s'appelle le musée des Beaux-Arts de Dijon. Il arrive en deuxième position après le Louvre. Voilà. Incroyable. Et donc c'est un musée dans lequel on retrouve aussi bien des tableaux qui datent du 15e, 16e, 17e, voire du siècle des Lumières, ouais, que des œuvres hyper contemporaines. Donc c'est aussi un musée dans lequel on retrouve des tableaux de Monet, on retrouve du Picasso, on retrouve donc tous ces artistes peintres et artistes sculpteurs finalement. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai, on retrouve ici certains indices qui montrent bien que la Bourgogne était très importante dans l'histoire de France. En effet, de par les édifices qu'il y a dans la ville, donc déjà j'étais en train de parler de ce palais des ducs de Bourgogne, mais on a quand même à Dijon, sur une ville et une agglomération de 300 000 habitants, deux cathédrales. Ah ouais, il y a 700 mètres de distance entre les deux cathédrales. Et deux grosses cathédrales. C'est pas tout petit. Donc effectivement, pour exactement la même religion, deux cathédrales dont une a été complètement rénovée. Elle est comme neuve. Une pierre très, très claire. C'est vraiment chouette. Donc ville très riche au niveau des bâtiments, au niveau historique. Ah oui. Donc le reste, la campagne tout autour, ça c'est joli. Pour moi, c'est la plus belle région de France. On a parlé des plaines que l'on retrouve à l'est de Dijon, où là, ce qu'on peut vraiment trouver de joli, c'est les rivières, ouais, les forêts et bois qu'on peut retrouver au bord des routes, où il est vraiment agréable d'aller cueillir des champignons, ou se promener avec les enfants, enfin toutes ces choses-là. Mais le plus bel endroit autour de Dijon, c'est vraiment la région de l'Auxois, comme j'ai pu en parler, parce que c'est pouvoir se balader en péniche, c'est pouvoir faire des balades en vélo de plusieurs dizaines de kilomètres sans avoir à traverser une seule route, mmh, au bord du canal, c'est pouvoir aller visiter des châteaux autour de Pouilly en Auxois, pouvoir aller à Châteauneuf en Auxois est un château qui se retrouve sur un pic, qui est un endroit vraiment fantastique. C'est vraiment joli. Donc si vraiment en Bourgogne, plutôt ben voilà, en Côte d'Or, y a un endroit où il faut aller se balader et vraiment prendre un plein de nature, c'est dans le pays de l'Auxois. D'accord. Et donc la région attire des touristes ? Beaucoup. Ouais. Énormément. Alors je vais donner un chiffre qui est finalement assez parlant, qui ne concerne pas la ville de Dijon, parce que je n'ai pas de chiffres sur la ville de Dijon, mais qui concerne la ville de Beaune. La ville de Beaune, il y a de très grands vins, ouais, à Beaune. Très connu pour ses vins, qui est pas loin de Dijon. Qui est à 50 km de Dijon. Voilà. Ouais. C'est une ville qui a 20 000 habitants. D'accord. D'accord. Par contre, toute l'année, c'est 200 000 personnes qui sont en permanence dans la ville. Qui viennent visiter les caves. Qui viennent visiter les caves. effectivement, qui viennent visiter les hospices de Beaune, qui viennent marcher, qui viennent visiter la ville. C'est 200 000 habitants toute l'année. Ça fait donc 10 fois la population de la ville. Donc c'est une ville où il y a beaucoup d'hôtels. C'est fou. Ah, c'est dingue. non, c'est fou. Et c'est une ville qui a également son festival du cinéma. Sur quel thème exactement, je suis incapable de le dire. Le vin, peut-être. Pas sûr. Je crois que tu as fait une bonne promotion de ta région. Ah ben oui, j'espère. Ouais. Ou encore une fois, on le répète, on boit très bien, on mange très bien. Et il y a plein d'endroits ensuite pour faire des balades, à visiter. Ah oui. Pour se détendre. Exactement. C'est une très belle région et je la conseille. Ok, ben merci beaucoup Romain. Ah ben, je t'en prie. Un vrai plaisir de t'avoir ici dans le studio. Merci encore une fois. Chers auditeurs, un seul conseil, c'est de vous rendre en Bourgogne. Allez voir la région d'où vient Romain. Allez faire un tour à Dijon. Allez goûter les vins. Et vous m'en direz des nouvelles et vous nous laissez un commentaire sur la page de discussion de cet entrepode. En tout cas, merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir. I want you to get together.